si l'on n'a pas assez de sous pour son repas. On peut toujours vendre ses biens ou ses appâts. Si l'on n'a pas assez de sous pour son repas. On peut toujours vendre ses biens ou ses appâts. Si on n'a rien dans l'estomac, c'est naturel. Où on irait si pieds sous terre à coups de pelle. Si on n'a rien dans l'estomac, c'est naturel. Où on irait si pieds sous terre à coups de pelle. Si pieds sous terre à coups de pelle. Si pieds sous terre à coups de pelle. Sous terre à coups de pelle. Si on n'a rien dans l'estomac, c'est...